je fais des ménages, un conseil des ménages, parce que si ça démarre, ça fait bang bang. À ma place, télémar, on fait pas de cinéma, en plus c'est à tous mes gars, tu connais le game. Évite de faire la star, tu sais que je suis un star, pas marié pour l'instant, la vie c'est pas un star. La vie c'est pas un star, c'est normal qu'elle te quitte, tu dures le temps d'un snap. J'ai la même démarche que une petite fille, quand je vais les quebras. Elle casse la démarche, roule son boule pour finir dans mes draps. Fini les bottes ou le vision, nous le fait là. Tu sais déjà dans le VIP à ta noire. C'est rare pour toute mon équipe, faut que tu les régales. Je récupère tout en liquide à 4h du mat. Oh baby, faut que je me marche, c'est l'heure. Grosse casse de Qatari dans le Ginoa. Oh baby, je suis businessman comme Didi. On se cache pas, on est juste discret comme quand la chimie. Renoir Savage, Rambeux Savage, partout Savage, King, King. Renoir Savage, Rambeux Savage, partout Savage, King, King. Renoir Savage, Rambeux Savage, partout Savage. Nous on fait la fête, pourquoi tu veux l'énerver? À la base, on est gentil, mais tu sais qu'on démarre vite. Elle a même que Nicky.